adieu ma tristesse. Tu m'as tenu compagnie par solitude, par lassitude. J'ai accepté ton lit. Adieu, adieu ma tristesse. Tu m'as tenu compagnie, danser ensemble et pleurer simple de mon amour en vie. Adieu tristesse, chagrin d'amour. La la la la la la la la la. Bonjour tendresse, espoir des beaux jours. Nhớ những đêm xưa mình có nhau. Quán vắng canh khuya ngồi rất lâu. Mặc ngoài kia gió mưa, mình nhìn nhau ước mơ. Mơ ước trăm năm. Nhạc dồn lên ngất ngây, lòng mình như đắm say. Đâu biết đêm nay thơ dài. Hạnh phúc không ở muôn đời với tim ta, thì hãy buông tay cho sầu nhớ trôi xa. La la la la. Adieu tristesse, chagrin d'amour. Bonjour tendresse, espoir des beaux jours. La la la la la la la la la. Bonjour tendresse, espoir des beaux jours. Adieu tristesse, chagrin d'amour. Bonjour tendresse, espoir des beaux jours. La la la la la la la la la. Bonjour tendresse, espoir des beaux jours.